Wang Dongping, administrateur général de la serre de Kim Il-sung et de Kim Jong-il de Dan Dongshin et sa suite, la délégation de la compagnie limitée du commerce Tianli de Dandong, conduite par son administrateur général Chang Siyuan, la délégation de la compagnie limitée du commerce Jueshe Bode de Shenyang, Chine, conduite par son administrateur général Zhang Hongchun, et Li Xiangguo, administrateur général de la compagnie limitée permanente Tianxian de Yanbian, Chine et sa suite, sont arrivés le 12 par train et avion à Pyongyang pour participer au 19e floralie de Kim Il-sung.